Andale, quand la baie on va les enjailler, vous remballez. Vous êtes fous, on fait que commencer, vous ramperez. A la fin, si vous allez, nous menacez, allez. Les rappeurez. Vous fous MC, il faut que j'agacez. Andale, quand la baie on va les enjailler, vous remballez. Vous êtes fous, on fait que commencer, vous ramperez. A la fin, si vous nous menacez, les rappeurez. Vous fous MC, il faut que j'agacez. Frère, on est venu prendre notre oseille. Je te conseille de tendre l'oreille. Nous prépare pas avec ces MN. Les boys côté taf toute la semaine. Quand t'as pissé 2-3 bitches à l'hôtel. Me casse pas les couilles, tu fais mal à la tête. Les boys que t'es empoigné sur la plaquette. Tu veux quoi, espèce de pute, t'es pas une princesse. Sale pute, t'es pas une princesse. Jamais on t'inspire, jamais en panne sèche. Même quand c'est la hesse, on garde la pêche. On connaît soirée galère à la baisse. Aux soirées bouteilles, herbe et latex. Déshabille-toi, bitch, sors pas tes prétextes. Aux soirées bouteilles, herbe et latex. Déshabille-toi, bitch, sors pas tes prétextes. C'est VT, sa pose carré. Les jaloux le font parler. Rapper, c'est notre métier. On vise la tête jusqu'au pied. C'est PD, me font copier. Le style des boycottés. On les voit allez, allez. S'affoler. Ça pose carré, les jaloux font parler. Rapper c'est notre métier. On vise la tête jusqu'au pied. Ces PD ne font copier. Le style des boycottés. On les voit s'affoler. De la même chose, gros, ça me casse les couilles. J'fume encore la même dose, pour ça que les bords me fouillent. J'attends pas que la retourne, ni d'être sur les rotules. Quand t'avances, y'a pas de retour, donc fais bien ton calcul. Allez, cours dans le four, oui, le chemin est cramé. Comme le terre dans la feuille que je viens de consumer. J'rappe, c'est pas du ciné, la dernière n'est pas dessinée. Tu me verras au sommet, que seulement si j'ai signé. Oui, mon cœur a saigné, et gros, personne n'a soigné. Le loyer, faut l'assumer, y'a de quoi halluciner. La gova, faut l'assurer, y'a ta mère pour te rassurer. Compte pas trop sur les poteaux. Même ta meuf, elle pourrait te tromper. Encore un tour et un contrôle. Un petit frère qui s'est fait péter. On n'oublie pas ce parti trop tôt. Et les autres qui sont boycottés. Qui sont boycottés. Qui sont boycottés. Qui sont boycottés. Andale. Andale. C'est le VLT, ça pose carré. Les jaloux font parler. Rapper c'est notre métier. On vise la tête jusqu'au pied. Les PD me font copier. Le style des boycottés. On les voit s'affoler. Ouais, ouais. C'est le VLT, ça pose carré. Les jaloux font parler. Rapper c'est notre métier. On vise la tête jusqu'au pied. Les PD me font copier. Le style des boycottés. On les voit s'affoler. Ça pose carré, les jaloux ne font parler. Rapper c'est notre métier, on vise la tête jusqu'au pied. Ces PD ne font copier, le style des boycottés. On les voit s'affoler. Ouais, ouais.